Émergence Hip Hop Volume 2 2015 VIM A2N Youssef à la prod. Ok, ok, ok. Pour Émergence Hip Hop Volume 2 TIM A2N. On est là ou pas? On n'a pas fini de se battre contre l'invisible, à parcourir des montagnes à la recherche de nos racines du nord au sud. Ça assassine, c'est dans l'usure que tous négligent. Moi, mon rap, c'est ma résine. Il m'enivre, me rend speed dans ma routine. Pour rien au monde, je ne le quitte, c'est nos limites. Hors thématique, où est-ce passible de nos peines irremplaçables, pris pour cible à la base. Tous la même rage, à chaque page, on prend de l'âge. Et qu'est-ce qui change? Fais le bilan, si t'as levé l'encre, prends les voiles, à suivre le vent. T'laisse pas noyer par le temps, besoin de ses kicks et ses basses pour respirer. Juste prendre mes clics et mes claques pour avancer. Je médite et je m'évache ou m'appuyer. C'est sur le rythme des tracks, coursant nos cœurs palpiter. L'important c'est pas la chute, mais l'atterrissage. On veut quitter le navire avant d'en être les otages. Juste envie de prendre le large. Comment passer des frontières à s'inventer des attaches? L'important c'est pas les chutes, mais l'atterrissage. On veut quitter le navire avant d'en être les otages. Juste envie de prendre le large. Comment passer des frontières à s'inventer des attaches? Y'a ceux qui espèrent, y'a ceux qui attendent, puis y'a ceux qui s'activent. Y'a ceux qui se perdent, y'a ceux qui se pendent, victimes d'une vie naïve. Y'a ceux qui me tendent la main, ça jusqu'au bout de la rive. Y'a ceux qui me lâchent à rien, qui n'attendent plus que j'arrive. Je vois des proches à l'asile et des chiens aboyés. D'autres qui bloquent sur la 6, graines de leur envoyer. Ça fait longtemps que je navigue, je suis sur mon petit voilier. Je n'attends plus rien de classique, mais c'est vous qui voyez. Je suis pas prêt de lâcher l'encre, ne sachant pas où je vais. Sauf pour remplir des pages ou pour tirer des traits. C'est toujours les mêmes cancres et je t'assure qu'on s'y fait. Sauf que pour devenir sage, pas soi-même on s'effraie. Mûrir d'un coup de ses peines, pas mourir en silence. Pouvoir voler de ses ailes comme un oiseau qui se lance. Se dire c'est con, c'est fait, faire face aux conséquences. Dieu seul sait qu'on s'essaie, mais quand est-ce qu'on s'élance? Pas tous nés la vieille teigne et pas tous les mêmes chances. C'est toujours les mêmes tailles, mais jamais les mêmes danses. C'est souvent les mêmes thèmes, car souvent les mêmes penses. TIMA2N, Youssef pour Émergence. L'important c'est pas la chute, mais l'atterrissage. On veut quitter le navire avant d'en être les otages. Juste envie de prendre le large. Comment passer des frontières à s'inventer des attaches? L'important c'est pas les chutes, mais l'atterrissage. On veut quitter le navire